Now let's pay homage, Lord, together. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. According to lunar calendar, Asian calendar, for this year, 1st August to 3 month, August, September, October, it is a rainy season, rainy retreat. Okay. Monk, stay in a particular place, practice meditation. If it is necessary, go outside, but come back within 1 week. Okay. Selon le calendrier lunaire, cette année, la retraite des pluies aura lieu en août, en septembre, en octobre. Et donc, pendant la saison des pluies, les moines doivent rester dans leur monastère, ne sortir qu'exceptionnellement et au maximum pendant 6 nuitées. Et à l'époque du Bouddha, on procédait de la façon suivante. Les moines se rendaient d'abord chez le Bouddha. Ils lui demandaient respectueusement de leur donner les instructions pour la méditation. Ayant reçu ces instructions, ils s'en allaient alors dans un endroit isolé, comme par exemple dans les montagnes ou bien dans la forêt, ce qui est un très bon endroit pour méditer. Et ils commençaient à pratiquer en essayant de mettre en application les instructions qu'ils venaient de recevoir. Il y avait un groupe de moines qui avaient demandé au Bouddha les instructions et qui s'étaient rendus dans la forêt pour pratiquer. Pendant les 2-3 premiers jours, tout allait bien, ils pouvaient méditer normalement. Après 2-3 jours, ils ont commencé à avoir toutes sortes de problèmes. Il y avait certains moines qui sentaient des odeurs très nauséabondes, il y en avait d'autres qui entendaient des sons effrayants, d'autres encore avaient des visions effrayantes, ils voyaient par exemple des corps sans tête ou des têtes sans corps. Ce groupe de moines était de plus en plus perturbé par toutes ces choses horribles qu'ils voyaient et qu'ils entendaient, à tel point qu'à un moment, ils se sont décidés à retourner chez le Bouddha et lui expliquer la situation. Arrivés chez le Bouddha, ils expliquèrent donc qu'ils étaient incapables de méditer à cause de toutes ces choses terribles qui se passaient. Le Bouddha leur a alors demandé « Avez-vous pratiqué metta ?»« Non », ont répondu les moines. Alors le Bouddha leur a donné les instructions. Il leur a expliqué comment pratiquer metta. Après avoir pratiqué metta, ils devaient reprendre la pratique de vipassana. Les moines retournèrent donc dans leur forêt et se mirent à pratiquer metta. Et les moines retournèrent donc dans leur forêt. Ils se mirent à pratiquer non seulement la méditation vipassana, mais également la méditation metta. Ils consacraient 2 ou 3 heures par jour à la méditation metta. En conséquence, après 3 mois, ils avaient tous atteint l'éveil, que ce soit le premier stade, le stade de Sotapanna, le deuxième stade, le stade de Sakatagami, le troisième stade, le stade d'Anagami, et certains parmi eux avaient même atteint le stade final, la délivrance définitive, l'état d'Arhat. Pourquoi les moines ont-ils eu tous ces problèmes avec les fantômes? C'était les fantômes, en fait, qui essayaient de les effrayer. Les 2-3 premiers jours, tout allait bien. Les fantômes avaient bien vu arriver les bhikkhus, les moines. Ils se sont même réjouis de leur présence. Ils se sont dit « Oh, ce sont des êtres très purs et cela ne peut que nous faire du bien. » Ils ont donc tous été d'accord de descendre de leur habitat normal, le sommet des arbres, et ils sont descendus au sol pour se trouver en dessous des moines. Et donc, ils ont accepté tout cela, mais ne savaient pas que le séjour des moines allait se prolonger au-delà de 2 ou 3 jours. Après 2 ou 3 jours, ils ont commencé à avoir toutes sortes de problèmes avec leur famille. Ils s'étaient installés en bas des arbres et cela devenait très difficile. Alors, ils ont voulu faire comprendre aux moines que cela suffisait, que 2 ou 3 jours étaient assez et qu'ils devaient maintenant rentrer chez eux. Et c'est pourquoi ils leur ont fait subir toutes ces visions horribles, ces sons et ces odeurs désagréables. Les moines sont alors rentrés chez le Bouddha pour lui demander comment procéder. Le Bouddha leur a alors demandé de pratiquer metta, l'amour bienveillant, de partager leurs actions positives avec tous ces esprits en leur souhaitant à tous d'avoir une vie meilleure, de reprendre naissance dans des plans supérieurs. Ils se sont adressés à tous les êtres qui vivaient dans la forêt, qu'ils soient visibles ou invisibles, proches ou lointains. Tous les êtres vivants dans cet endroit de la forêt étaient concernés par leur métta. Les fantômes ont alors réalisé que la présence de ces moines était bénéfique pour eux et ils les ont donc acceptés. Tous ces esprits qui vivaient là dans cette forêt, les esprits gardiens, les démons, les fantômes, tous ces êtres ont donc accepté la présence des moines parce qu'ils ont compris qu'il y aurait beaucoup de bénéfices pour eux à accepter leur présence et ils se sont mis alors à protéger les bhikkhus qui méditaient là. En conséquence, ces bhikkhus ont tous atteint l'un ou l'autre des stades d'éveil parce qu'ils ont pu méditer sans problème, sans distraction pendant 3 mois. Tout le monde, que ce soit les bhikkhus ou les yogis, doivent adresser leurs pensées positives à tous les êtres, y compris les êtres invisibles. Et c'est donc dans cet esprit que, lors de la cérémonie d'ouverture d'il y a quelques jours, j'ai invité tous ces êtres invisibles, ces divinités, ces esprits, ces démons, ces fantômes, à se joindre à nous pour nous protéger tout au long de cette retraite. Nous sommes occupés à pratiquer l'amour bienveillant depuis dimanche et nous allons poursuivre notre effort jusqu'à la fin de la semaine. Plus nous pratiquerons metta, plus nous nous sentirons en sécurité. Donc page 18, on continue l'étude du texte. Ok, now start. Amagam arekha divada avir imasame vihari imasame avasi imasame arami arekha divada avira hundu abhyabhaja hundu aniha hundu sukhiyadhanam Periyarantu. Once more, Magan Arekha Divata Imasame Vihare Imasame Awasi Imasame Arami Arekha Divata Avira Huntu Avyavaja Huntu Aniya Huntu Sukhiyadhanam Periyarantu. En French. Puissent les déités gardiennes de ce temple, de cette demeure, de ce lieu, être libres de l'inimitié et du danger. Puissent-ils être libres de la souffrance mentale. Puissent-ils être libres de la souffrance physique. Puissent-ils être heureux et en bonne santé. Understood, Mother, yeah? Now, let's go to Father Mo, right? Let's go, next paragraph, read. Savi Sada, Savi Bana, Savi Buddha, Savi Bogla, Savi Adabawa, Priya Bana, Sava itiyo, savi burisa, savi iriya, savi anriya, savi diwa, savi manosa, savi winibadika, avira hundu, avyabhaja hundu, aniya hundu, sukhiyadhanam, pariharantu. Dukkha mojantu yata lada sampadido mavigacchantu kaimasaka. Thank you. Please, a moment. Imasame arami sabe bhikkhu samnira. You mentioned is a particular person, particular person. Magan chadu bhajya dayaka our sabuddha. Now today, Magan araka divada imasame vihari imasame arami imasame awasi. Araka divada, all of Kariya, Titi, yes, including these demons, be well, happy, peaceful, safe. These are particular. Bhante vous demande de compter le type de personne à qui on va envoyer Metta dans le paragraphe qu'on va lire maintenant. Okay. Donc comptez, en même temps qu'on lit, vous comptez sur vos doigts. Ok. Puissent tous les êtres, ceux qui respirent, toutes les créatures, toutes les individualités, tous les êtres dotés d'un corps et d'un esprit, tous les êtres féminins, tous les êtres masculins, tous les êtres nobles, tous les êtres ordinaires, les déités, les humains, tous ceux qui se trouvent dans les quatre mondes inférieurs. Puissent tous ces êtres être libres de l'inimitié et du danger, puissent-ils être libres de la souffrance mentale, puissent-ils être libres de la souffrance physique, puissent-ils être heureux et en bonne santé. Que tous les êtres soient libres de la souffrance, qu'ils ne perdent pas le bonheur qu'ils ont acquis, les êtres sont tous propriétaires de leur karma. Bhante a commencé par expliquer que dans les jours qui ont précédé, on a étudié la première partie du texte, et là, il s'agissait d'êtres en particulier. Donc, on a envoyé Metta d'abord à soi-même, ensuite à ses parents, à ses professeurs, à ses amis, puis à tous les yogis qui sont ici, puis aux moines qui est ici, aux novices, aux personnes qui prennent soin des moines, et aux déités, y compris les démons et les fantômes. Donc tous ces êtres, ce sont des êtres en particulier, et on les appelle les particuliers. À partir d'aujourd'hui, on va envoyer à tous les êtres, comme on vient de le lire, et donc ça c'est une autre catégorie. Bhante voudrait faire remarquer qu'à la fin du paragraphe ici, on parle de Kamasaka, c'est le dernier mot. Kamasaka veut dire tous les êtres sont les propriétaires de leur karma, ils sont les propriétaires de leurs actes, c'est-à-dire que leurs actes leur appartiennent. C'est eux qui posent ces actes, donc les actes sont leur propriété. C'est la signification de Kamasaka. Ça veut dire aussi qu'on va pratiquer non seulement Metta l'amour bienveillant, on va pratiquer aussi Karuna la compassion, Mudita la joie sympathique et Upekkha l'équanimité, ce dernier mot voulant dire l'équanimité. Savi Sada, Savi Pana, Savi Buddha, Savi Bogla, Savi Adabawa, Briya Pana, Sava Itio, Savi Burisa, Savi Riya, Savi Neriya, Savi Diwa, Savi Manosa, Savi Vini Badika. Thank you. How many basen? Avira Hundu, Avyavaja Hundu, Aniga Hundu, Sukhi Adhanam, Parihrantu. It is a Metta Bhavana. Dukha Mojantu. It is a Karuna. Okay. Yata lada sampadido mavi gachantu. It is mudita, mudita. Kamasaka. Kamasaka. It is upekkha. Metta, universal life. Karuna, compassion. Mudita, sympathy, sympathetic joy. Appreciated joy. Upekkha, equanimity. Dans le premier paragraphe, on a vu qu'il y avait 12 catégories d'êtres à qui on allait envoyer les pensées bienveillantes. Dans le deuxième paragraphe, il est question donc de ces pensées positives et on peut voir dans ce dernier paragraphe que nous allons envoyer Metta, la première phrase qui va jusqu'à Parihārantu concerne l'amour bienveillant. Donc on envoie de la bienveillance à tous les êtres. La deuxième expression, Dukkhamucchantu, concerne Karuna, la compassion. Donc là, il s'agit d'êtres qui souffrent. La troisième expression, Yata Lada Sampatito Mavigacchantu, concerne Mudita, la joie sympathique, c'est-à-dire qu'on se réjouit du succès des autres. Et enfin, Kamasaka concerne Upeka, l'équanimité. On a donc les quatre états sublimes, Metta, Karuna, Mudita et Upeka. Cet après-midi, j'expliquerai plus en détail en quoi consistent ces quatre humanités. On les appelle les quatre humanités. En pali, on parle de Brahma Vihara, les états sublimes. 48. Pante nous explique que pour cette catégorie d'êtres, on a vu les particuliers au départ, ici ce sont les communs, donc ce sont des groupes d'individus. Et donc pour cette deuxième catégorie d'individus, on peut pratiquer en sélectionnant chaque fois une des catégories. Par exemple, on commence par Sabbe Sata, tous les êtres. Et à tous les êtres, on va envoyer systématiquement Metta, ensuite Karuna, ensuite Mudita et ensuite Upeka. Et donc on fait cela de façon très consciente. On envoie les pensées bienveillantes, l'amour universel à tous les êtres. Ensuite, on leur envoie la compassion. Ensuite, on leur envoie la joie sympathique, puissent-ils se réjouir de leur succès. Et on leur envoie enfin l'équanimité. Et on passe ensuite au deuxième groupe, Sabbe Pana, puis au troisième, Sabbe Bhuta, etc. C'est la meilleure façon de procéder et d'envoyer Metta, c'est la façon la plus traditionnelle. Si on procède ainsi, faire un seul tour peut prendre énormément de temps. Il faut chaque fois penser vraiment à ses êtres, penser à ce qu'on dit, et ça prend énormément de temps. Let's read together. Urati maya disaya, achi maya disaya, umraya disaya, tekhinaya disaya, urati maya nurisaya, achi maya nurisaya, umraya nurisaya, tekhinaya nurisaya, eti maya disaya, Umbri Maya Disaya. Please, how many direction? Ten. Ten, remember. Okay. Sabbe Sata, Sabbe Pana, Sabbe Buddha, Sabbe Bogla, Sabbe Adabawa, Priya Pana, Sabbe Itiyo, Sabbe Purisa, Sabbe Riya, Sabbe Neriya, Sabbe Diva, Sabbe Manosa, Sabbe Vinipadika. How many person? 12. Okay, remember. Carry on. Avira Hundu, Avyavaja Hundu, Aniya Hundu, Suryatana, Eriharandu, Loka Mojandu, Yata Landa Sambadido, Maviga Chandu, Kama Saka. Okay? Po Brahma Vihara, Metta, Karuna, Mudita, Upeka. Okay? Vers l'est, vers l'ouest, vers le nord, vers le sud, vers le sud-est, vers le nord-ouest, vers le nord-est, vers le sud-ouest, vers le bas, vers le haut, du plan le plus élevé, puissent tous les êtres, ceux qui respirent, toutes les créatures, toutes les individualités, tous les êtres dotés d'un corps et d'un esprit, tous les êtres féminins, tous les êtres masculins, tous les êtres nobles, tous les êtres ordinaires, les déités, les humains, tous ceux qui se trouvent dans les quatre mondes inférieurs, être libre de l'inimitié et du danger? Puisse-t-il être libre de la souffrance mentale? Puisse-t-il être libre de la souffrance physique? Puisse-t-il être heureux et en bonne santé? Que tous les êtres soient libres de la souffrance, qu'ils ne perdent pas le bonheur qu'ils ont acquis. Les êtres sont tous propriétaires de leur karma. On va envoyer Metta à tous ces êtres systématiquement en le faisant de façon très précise. On commence par la première direction, vers l'est, on envoie Metta. On passe ensuite à Karuna et de nouveau dans la même direction, vers l'est, à tous les êtres, on envoie la compassion. Ensuite, dans la même direction, toujours vers l'est, on envoie à tous les êtres la joie sympathique mudita. Et enfin, toujours dans la même direction, vers l'est, on envoie à tous les êtres upekkha, l'équanimité. Si on procède ainsi de façon très systématique, en envoyant les quatre états sublimes dans toutes les directions et à toutes les catégories d'êtres, on arrive à un total de 480 formules. Et donc, Bhante fait remarquer que ça peut prendre effectivement énormément de temps si on le fait sérieusement sans s'endormir. Dans les temps anciens, toutes les personnes saintes, quelle que soit leur religion, on trouvait des saints dans la religion bouddhiste, dans la religion hindouiste, même dans l'islam, toutes ces personnes saintes utilisaient le chapelet pour pratiquer ces quatre états sublimes. C'était donc des personnes saintes, et les personnes saintes étaient toujours en train de pratiquer ces quatre états sublimes. Ces quatre états sublimes étaient toujours présents dans leur esprit. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on parle des Brahma Vihara, les Brahma étant ces personnes saintes. Ce sont les quatre demeures des personnes saintes, des Brahma. Ces personnes saintes avaient donc renoncé au monde et s'étaient rendues dans un endroit isolé pour pratiquer, dans la forêt ou dans la montagne. Ils vivaient très simplement, ils étaient en général végétariens et ils ne portaient qu'une seule robe. Toute la journée, toute la nuit, ils pratiquaient ces quatre états sublimes, à tel point qu'ils atteignaient les jhanas, les absorptions méditatives. Jhana est un mot pali qui veut donc dire absorption. Ce mot jhana a donné le mot zen en japonais. Si la personne pratique de façon assidue, elle va finalement, grâce à la pratique de metta, atteindre les jhanas, les absorptions méditatives. Une fois qu'elle aura atteint les jhanas, son esprit va devenir très puissant. Elle disposera de la puissance mentale. Une fois qu'elle aura la puissance mentale, elle va avoir les pouvoirs supranormaux, appelés en pali abhinya. Par exemple, à lire la pensée d'autrui, à voir ou à entendre des visions ou des sons venant de très loin. Il est possible également de se déplacer par les airs sans avoir besoin d'aucun visa. Ces personnes peuvent également marcher sur l'eau. Voyez vous-même, Jésus était capable de marcher sur l'eau. On voit donc, grâce à cet exemple, que la pratique de metta n'appartient pas uniquement au bouddhisme. On la retrouve dans toutes les traditions religieuses. Toutes les personnes saintes qui pratiquent de façon assidue et avec persévérance cette méditation sur l'amour bienveillant va pouvoir réaliser tout cela, quelle que soit sa religion. Tout ce que nous venons de voir maintenant concerne ce que l'on appelle l'extension dans les 10 directions. En pali, T-I-S-A, Tissa, direction, Prana, P-H-R-A-P-A, veut dire extension. Ben nous a expliqué en quoi consistent toutes ces façons de pratiquer metta. On a étudié cela de façon théorique à partir du livret, mais maintenant il voudrait qu'on apprenne à le pratiquer vraiment, et donc à ce moment-là il ne s'agit pas de regarder le livre et de suivre ce qui est mis dans le livre, il faut le faire concrètement. Si on pratique au jardin, par exemple, on essaye de se positionner de façon à faire face à l'est, à la première direction. On reste dans cette position et on commence à envoyer à toutes les catégories d'êtres, les 12 catégories d'individus, on les répète mentalement et on leur envoie systématiquement d'abord metta, ensuite karuna, ensuite mudita, ensuite upekkha. Et on le fait de façon très concentrée. Quand on se trouve dans la direction de l'Est, ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter à la Belgique ou à l'Europe ou à la planète. C'est tout ce qui se trouve dans cette direction, au-delà de la planète, partout dans l'univers. Et puis, quand on a fini avec l'Est, on passe à la deuxième direction et on fait la même chose. On envoie aux 12 catégories d'êtres les 4 états sublimes, en comprenant bien qu'il c'est illimité. Et puis, on change encore une fois de direction. Donc ça, c'est la façon pratique de procéder. Lorsqu'on pratique en méditation assise, on peut suivre tout le texte systématiquement. Lorsqu'on pratique pendant la marche, on va se déplacer quand il s'agira d'envoyer les pensées bienveillantes aux particuliers et aux communs. Mais lorsqu'on en arrive à la section des directions, là, on doit s'arrêter de marcher et pratiquer en posture debout. For applying metta bhavana as meditation and for studying it as a theory, may all of you be well, happy, peaceful, successful, and long life. Sadhu, sadhu, sadhu.